Bonjour à tous et bienvenue sur Fréquence BD, votre émission qui parle de bande dessinée sur Fadjet tous les premiers vendredis du mois. Et oui, même après les confinements, les couvre-feux à répétition, et bah Fréquence BD survit tant bien que mal face à l'adversité. Et aujourd'hui, par rapport au mois dernier, nous avons enfin trouvé des solutions pour enregistrer dans des conditions à peu près correctes. Et je ne suis pas seul, car que serait Fréquence BD sans notre cher et fabuleux Gabriel? Bonjour à toi. Bonsoir. Alors, comment vas-tu? Eh ben, ça va. Eh ben, écoute, c'est le principal. Est-ce que tu t'es bien reposé pendant ce mois de janvier? Oh, bah, plus que de raison. C'est vrai que on avait le temps pour ça, surtout toi qui étais à la maison, en présentiel, pour les cours, on rappelle. Mais ouais, enfin, en distanciel, du coup. Oui, en distanciel, pardon. Et c'est une vraie plaie, mais ce n'est pas l'émission pour en parler. Alors, de quoi on va parler, tout simplement, aujourd'hui? Est-ce que tu as une idée? Mais je crois qu'on va parler du Festival d'Angoulême. Eh oui, parce qu'on a de la chance, le Festival d'Angoulême, c'était... Alors, je me trompe pas, c'était la semaine dernière. Ouais. Yep, parce que le Festival d'Angoulême, je vous rappelle, a été séparé en fait en deux parties. Une partie qui s'est déroulée la semaine dernière, donc en dernière semaine de janvier, qui a décerné les prix des meilleures bandes dessinées selon leurs critères, évidemment. Et l'accès au public avec les rencontres et tout ça se fera en juin, si le corona nous le permet. Voilà, donc un bon programme. Tout à fait. je t'avais perdu. Alors, du coup, sans plus attendre... Oui, vas-y. Non, je... Bon, il y a un léger décalage lié à l'enregistrement à distance, enfin... Oui, c'est vrai, tu sais, moi, je suis sur une vieille bécane, hein, le machin, j'ai 5 minutes d'écart avec toi, ça doit être un sacré délire. Enfin, bref... Ah, super. On va donc parler des sorties BD du mois de février. Alors, j'en ai sélectionné quelques-unes qui m'ont l'air vachement intéressantes. Alors, sans plus attendre, une dystopie, L'Homme sans sourire de Louis Hirleman et de Serial Color, donc qui est sorti le 3 février. Alors, L'Homme sans sourire, c'est tout simplement l'histoire d'un monde où, en fait, les gens du bas-peuple n'ont pas le droit à la joie. Et en fait, à chaque fois qu'ils expriment ne serait-ce un tout petit signe de bonheur, eh bien, ils sont sévèrement réprimandés par le pouvoir. Et un jour, le héros rencontre la fille du roi Monsieur Joyeux, qui passe son temps à rire, ce qui les met tous les deux en danger. Donc on va suivre l'histoire de ce duo improbable, où tout les oppose, et en fait justement, cette bande dessinée va nous faire réfléchir sur notre conception du bonheur, et notre lien avec les autres. Voilà, donc L'Homme sans sourire, qu'est-ce que t'en penses, toi? Oh, ça m'a l'air d'être... en tout cas, c'est intriguant. Ouais, et puis... Ça m'a fait... Bah, le pitch m'a un peu fait penser à 1984. Ouais. Avec... Mais c'est destiné à quel public, plutôt? 1984 ou L'Homme sans sourire? Non, L'Homme sans sourire. Bah, j'ai envie de te dire que une dystopie, à mon sens, hein, tu peux la lire à tout âge, mais tu la comprends réellement quand t'es plus grand, quand t'es un peu plus adulte dans ta tête et que t'as eu l'expérience du monde, un minimum. Ouais, c'est sûr. Mais voilà, L'Homme sans sourire, pour le coup, m'a vraiment inspiré, et surtout qu'en ce moment, ils ont fait pas mal de rééditions de 1984 en bande dessinée, donc c'est la période dystopique, et la période s'y prête bien. D'ailleurs, en parlant de la période, une bande dessinée bien ancrée dans notre réel, Patient Zéro de Baquet, Chemin de Saint-Cric et Nicobi, qui sortira le 10 février. Donc, Patient Zéro, hein, je pense que rien qu'avec le titre, tu peux deviner de quoi ça va parler. Est-ce que ça parle de l'épidémie de Covid? Eh bien, pas du tout, ça parle de bullying. Non, je déconne. Hein. Ça parle, ouais. Ça parle évidemment de la propagation du coronavirus en France. En fait, ça retrace l'histoire du corona depuis le 25 février 2020, date à laquelle est morte le premier Français de cette maladie. Donc c'est un récit qui est documenté avec un vrai travail de journalisme et ça tend d'expliquer voilà, tous les coulisses de cette crise sanitaire qu'on connaît très bien. Et donc on va rencontrer plein de scientifiques, on va rencontrer plein de politiques, plein de choses comme ça pour essayer de savoir comment c'est parti, comment ça a commencé. Et pour le coup, je trouve ça vraiment cool, tu vois. Bon, après, c'est vrai que... Effectivement. Ouais. Et c'est drôle parce que c'est comme si ça, c'était la fin du Corona, tu vois. C'est une BD, parce que la BD, vu qu'elle parle du début, ça sous-entend qu'on est arrivé à la fin, tu vois. Donc, moi, je trouve ça intéressant. Donc, pour le coup, Patient Zéro, hein, qui sort le 10 février, m'intéresse énormément. Sinon, tu m'étonnes. Le goût de la nectarine de Lilay, qui est sorti le 3 février. Ça raconte l'histoire de deux femmes liées par un amour intense, hein, Bron et Max. Elles sont rejetées par leurs familles respectives et c'est grâce à la bonne humeur qu'apporte la nièce de Max que le couple peut oublier de temps en temps leur quotidien. Et un jour, les vieux démons de Bron refont surface, forçant les deux femmes à se retourner vers leurs sœurs respectives qu'elles ont perdues de vue depuis très longtemps. C'est un récit qui parle de la tolérance et de l'émancipation féminine en particulier. Et pour le coup, j'aime pas du tout le style de dessin, mais sur le fait que ça soit deux marginaux écartés de leur famille, tu vois, c'est quelque chose qui m'a intrigué. Tu vois, c'est des planches tout en noir et blanc, avec pas mal d'exagérations, beaucoup de jeux sur le visage, donc... Et surtout que... BD un petit peu plus... Plus philosophique. Dramatique. Ouais, dramatique. Autres, bah, c'est ça. Et surtout que Lilay, si je me trompe pas, donc l'autrice, est toute seule. Et débute. Enfin, pas débute, mais disons qu'elle fait pas encore partie des noms très populaires. Donc, raison de plus, en fait, tout simplement. Ah, bah oui. Et enfin, le dernier flash que je vais mettre, c'est Cédou en quête d'asile de Bétaucourt et Vidal. Donc, qui sortira le 25 février. Alors, pour le coup, Cédou en quête d'asile, c'est l'histoire vraie d'un homme qui a combattu pour les droits de son peuple. Originaire de Guinée, il est la figure de proue d'un mouvement protestataire contre le gouvernement en place, opprimant une partie de la population, les Peuls. Et donc, on va suivre l'histoire de Cédou, qui est obligé de fuir pour sa propre survie. Il atterrit en Europe, où il attend que sa demande d'asile soit acceptée. Voilà. Donc... en rapport avec la crise migratoire qui est toujours présente, la demande d'asile, la notification du portable également. C'est pas moi. Non, c'est pas non mais tu sais, si ça se trouve, il y a plein de gens qui ont écouté, qui ont demandé s'ils avaient une notif. Bah écoute. Et puis voilà, alors c'est tout. Est-ce que toi, tu as des bandes dessinées qui te plaisent et qui sont sorties ce mois-ci? Enfin, qui vont sortir ce mois-ci? Non. Et ben, tout simplement. Ben c'est pas grave. Et puis sinon, hein, quelques autres hein, en vrac. Le tome 3 de L'île au diable, le tome 19 de Rugbyman, un recueil Spirou, le tome 3 de Poussière et le tome 2 de Mort et Déterré sortiront également ce mois-ci. Donc si vous voulez compléter votre collection, ben, c'est le moment. Et bien, je crois qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'on a fait le tour. Eh bien, on va écouter tout de suite une petite chanson. Alors, est-ce que tu as un titre, là, comme ça? Là, comme ça, un peu pour point. Là, comme ça, ce qui te vient à l'esprit? Tac, tac, tac. Eh ben, je sais pas. Chanson de Michel Fugain. Eh bien, ça sera une chanson de Michel Fugain. On ne sait pas encore laquelle, mais on trouvera. Et on se retrouve juste après, où on vous parlera, tout simplement, du... Festival d'Angoulême, à tout de suite sur Fréquence BD. Je suis seul dans l'univers. J'ai peur du ciel et de l'hiver. J'ai peur des fous et de la guerre. J'ai peur du temps qui passe. Dis, comment peut-on vivre aujourd'hui? Dans la fureur et dans le bruit. Je ne sais pas, je ne sais plus. Je suis perdu. Jamais rien. m'a parlé, cet amour que l'on m'a chanté, ce sauveur de l'humanité, je n'en vois pas la trace, dit. Comment peut-on vivre sans lui? Sous quelle étoile, dans quel pays? Je n'y crois pas, je n'y crois plus, je suis perdu. Marchand de liberté, d'écouter se lamenter, ma gueule dans la glace dit. Est-ce que je dois montrer les dents? Est-ce que je dois baisser les bras? Je ne sais plus, je ne sais pas, je suis perdu. Retour sur Fréquence BD, votre émission bande dessinée sur Fadjet, présentée par Benjamin et Gabriel. Est-ce que tu es toujours là, Gabriel ? Je suis toujours là. Ouais, il y a de l'ambiance ce soir. Moi, on est tous crevés hein, en même temps. Y a pas de souci. Ah. Non, tu n'es pas crevé, toi ? Un petit peu, ouais. Enfin bref, on va parler de... Le fait de parler de BD me remplit de joie, donc... Ça se sent à ta voix. Mais on va parler du Festival d'Angoulême. Alors, le Festival d'Angoulême, alors vite fait, on en avait parlé hein, dans l'émission qui n'a jamais existé hein, le mois dernier. Alors, le Festival d'Angoulême, hein, est-ce que tu te rappelles en quelle année ça a été créé ? Est-ce que ça n'aurait pas été créé dans les années 80 ? Alors, presque. Parce que... Le premier festival, en fait, c'était le 25 janvier 1974 à Angoulême, tu penses bien ? Ah oui. Et en fait, hey, je suis fort. Hein. Alors en fait, c'est et pour trouver les origines du Festival d'Angoulême, en fait, faut retourner en 72 où en fait il y avait une quinzaine de la BD avec des auteurs très connus de l'époque comme Franquin ou Maurice, par exemple, hein, pour ne citer que. Et vu que ça a bien plu, eh ben ils ont fait 2 ans après le premier festival de la bande dessinée à Angoulême et c'est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc un festival qui... Une véritable institution. Hein. C'est ça, alors, institution, alors, évidemment, hein, plus l'institution devient forte, plus les critiques le sont également, sur comment la manière dont sont décernés les prix ou autres. On en avait déjà parlé dans une précédente émission, je crois que c'est toi qui en avais parlé en plus. Est-ce que tu veux faire un résumé vite fait de la polémique qu'apporte Angoulême? Alors en fait, je crois que c'est Marie surtout qui en avait parlé. Ah, et Marie n'est pas là, c'est vrai. Mais oui, bon, il y a quand même beaucoup de gens qui se sont plaints de la façon dont les prix étaient distribués, effectivement. Je me souviens surtout de ça. Je t'avoue que. Et puis aussi des partenariats commerciaux, il me semble, qui étaient un petit peu trop importants, enfin ce genre de choses. Et oui, parce que certains prix en fait sont des prix d'entreprises comme Cultura ou la SNCF. Donc c'est pour ça que oui. Ça râle un peu, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, on est surtout là pour parler des prix qui ont été distribués, parce que peu importe notre avis qu'on a sur le Festival d'Angoulême, ça reste quand même la figure de proue de la bande dessinée en France. Quand on dit à n'importe qui BD, ils pensent Festival d'Angoulême, donc ils ont quand même un impact, quoi qu'on en dise. Alors, bien sûr. Le Fauve d'Or, donc le prix du meilleur album, alors qui récompense tout simplement le meilleur album de l'année 2020, sans discernement de genre, de style ou d'origine géographique. Est-ce que tu peux nous le donner ? Alors, Fauve d'Or, il s'agit de L'Accident de Chasse de David L. Carlson et Landis Blair. Alors, L'Accident de Chasse, est-ce que tu l'as lu ? Non, je ne l'ai pas lu, mais il m'intrigue beaucoup. Ouais, alors moi non plus, je ne l'ai pas lu. Alors, il y en a quelques-uns dans la sélection que j'ai lu, mais celui-là, non. Alors, pour le coup, hein, résumé rapide, ça se passe dans les années 60 à Chicago. Et en fait, c'est un enfant qui a son père qui est devenu aveugle à cause d'un accident de chasse. Enfin, c'est ce qu'on lui a fait croire. Et en fait, un jour, un policier va sonner chez eux et il va découvrir quelque chose de mystérieux, quelque chose qui va le chambouler, une vérité qu'il ne voulait pas entendre, finalement. Donc, l'accident de chasse... Hein, c'est ça, ça a l'air d'être un thriller, ou en tout cas, mais vraiment assez noir. C'en est un, d'ailleurs, Landis Blair, hein, donc il est américain, est habitué en fait à tout ce qui est thriller noir, polar, etc. Et le style hein, noir et blanc de la bande dessinée me fait penser un peu à Mouse. Oui, effectivement. Donc Mouse. Ça fait très américain d'ailleurs. Alors moi j'ai pas du tout entendu ta dernière phrase. Ah, j'ai dit le style. Ah oui, pardon. Le style, oui, il fait très américain effectivement. Tout en noir et blanc. Donc je pense que la BD est angoissante à lire. Enfin voilà, ça c'est l'accident de chasse, donc Fauve d'or d'Angoulême. Alors ensuite vient juste après le prix spécial du jury qui est remis à une œuvre qui a particulièrement marqué le jury par sa narration, son esthétique ou les thèmes abordés. Est-ce que tu peux me donner le prix spécial ? Alors, est-ce qu'il s'agit de Dragman ? Oui, n'est-ce pas ? Dragman, attends, je me sens que c'est le... Attends, je le recherche, je l'ai perdu. Oui, c'est Dragman de Steven Appleby. Voilà, donc, Dragman, est-ce que tu as lu le résumé qui est magnifique, je trouve? Ouais, alors, c'est une espèce d'histoire de super-héros, mais en fait, qui parle du genre du personnage. Oui, car c'est qui arrive à voler, mais uniquement quand il s'habille en femme. Et c'est vachement drôle parce que justement, c'est un homme marié, donc ça lui pose plein de problèmes. Genre, il se dit, c'est un peu chiant de se déguiser en femme à chaque fois pour voler. Donc, pour le coup, ouais, ça a l'air vachement drôle. Et puis, c'est un humour un peu absurde. Hein, aussi. Ça a l'air assez poétique en plus. De ce qu'on peut en trouver sur Internet. Ouais, le style de dessin a l'air d'être plutôt simple. Hein. On voit hein, la couverture, des petits traits un peu à la va-vite. D'une certaine manière, ça me... ouais. Et à chaque fois, tu vois, je vais comparer avec une autre BD hein, qu'on peut connaître. Ça me fait penser... Mais non, c'est un peu difficile d'expliquer à la radio à quoi ressemble un dessin, tu vois. Ouais, bien sûr. Je dirais un peu que le style de dessin me fait penser au style de la BD Les Gosses, si tu connais. Les Gosses ? Non, je connais pas. Alors, Les Gosses, hein, c'est une BD pas si ouf, je trouve. Et en fait, les personnages sont un peu décharnés dans le sens que parfois, un bonhomme bâton, ça va représenter un personnage. Parfois, tu vois, c'est vraiment très simpliste comment c'est dessiné. Ah, d'accord. Et là, c'est un peu ça, un Dragman. Hein, c'est plutôt simpliste, les dessins. Ce qui renforce justement le côté humoristique. En fait, dans les décors, ça me fait un peu penser à du Sampé. Ouais, c'est vrai que... Mais en tout cas, ça reste simple. Mais c'est très bien. Oui. Alors ensuite... C'est sobre, on dit. Pardon, oui, sobre. Parce que si tu dis simple, c'est pas bien. Alors, le prix de la série a été décerné. Alors, le prix de la série met à l'honneur une œuvre en 4 volumes ou plus, quel que soit le nombre de tomes au total. Donc, quel est le prix de la série 2020? C'est Paul à la maison de Michel Rabagliati. Ah, c'est Paul à la maison ? Oui, c'est Paul à la maison, j'avais une autre en tête. Oui, Paul à la maison, alors de quoi ça parle ? Alors. Mais t'inquiète pas, je l'ai. Alors, Paul à la maison, je te sauve. Hein. Paul à la maison, c'est le 9e tome de la série, donc bah, ça commence à faire quand même. En fait, ça raconte l'histoire de Paul, auteur de bande dessinée à temps plein, comme quoi, hein, ça s'invente pas. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas le moral, car sa fille quitte le pays, sa mère a des problèmes de santé, enfin bref, c'est pas la joie dans sa vie, et en fait, cet album va nous faire vivre les différents deuils, hein, les deuils sous plusieurs formes que va vivre ce pauvre Paul, de ce bouquin, hein, tout simplement. On voit que la crise du corona nous a inspiré hein, sur les BD joyeuses. Hein. C'est... Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est terrible, hein. À chaque fois... Mais voilà, donc Paul à la maison. Après, vu que c'est une série, je la connais pas du tout. Mais Et du coup, j'ai bien l'impression que... Du premier au neuvième tome donc, qui vient de sortir, le personnage de Paul, il grandit, en fait. Ah ouais, sérieux ? On le voit grandir ? Ouais. Je connais pas du tout la BD. Mais... Bah, après, c'est pour découvrir hein, le Festival d'Angoulême. Je sais jamais où les trouvent, ces bouquins, parce que c'est pas évident de les trouver, vu qu'en boutique, on est souvent surchargé de tout ce qui marche bien, tu vois. C'est un peu plus dur. Ouais. Et ça, en vrai, c'est un problème qu'on peut en parler, c'est que à moins d'avoir la chance d'avoir une librairie qui est vraiment à fond sur les dernières nouveautés, c'est vachement dur, tu vois, je trouve. Et c'est un peu dommage. Ouais, c'est clair. Et contrairement, bon là c'est un peu du hors-sujet, mais contrairement au manga où tu peux trouver 20 millions de scans illégaux, pour la bande dessinée, c'est pas la même affaire, tu vois. Ah non, surtout bah, les petites BD un peu indépendantes comme ça, ou des BD d'auteur. Et bah justement, en parlant de BD indépendantes, pourquoi pas parler du prix de la révélation ? Tu vois, quelle transition, quel professionnalisme. Alors, le prix de la révélation, ça s'est décerné à l'album d'un auteur ou d'une autrice en début de carrière, ayant publié professionnellement 3 livres au maximum. Alors, à qui a-t-il été décerné le prix de la révélation ? Alors, il a été décerné à Moran Mazars. Enfin, Mazars, je sais pas. Non, Moran Mazars, oui. Pour Tanz. Tanz, alors ça, Tanz, j'ai vu beaucoup passer, je l'ai jamais lu, c'est un Thor. Est-ce que tu en as déjà entendu parler ? Non, c'est un Tanz. Non, mais... Ah, qui est drôle ! Non, alors, Tanz, hein, c'est l'histoire d'un jeune homme de 19 ans, Uli, qui est dans une école de danse en Allemagne. Et en fait, il rencontrait Anthony, un danseur afro-américain, qui va le convaincre de tenter sa chance à Broadway. Et si je me rappelle bien de la bande dessinée, parce que je l'ai pas mal vu passer, ça parle également de tout ce qui est relations amoureuses, d'assumation de soi, hein, parce que ça parle, c'est l'histoire quand même d'un garçon qui danse, et un garçon qui danse, bah, c'est souvent mal vu, ou c'est vu étrangement. Donc voilà, il y a tout ça, toute cette affirmation de sa personnalité. Donc Tanz, qui... Bah voilà, Tanz. N'hésitez pas à lire cette BD si ça vous tente. Ça. Bon, écoute, je pense qu'on va passer à autre chose. Tu vas faire toutes les blagues moisies. Et ça ne me tente pas trop. Alors, en parlant de blagues pas nulles, est-ce que tu auras l'audace de me donner le prix de l'audace, justement, qui récompense l'expérimentation, l'innovation formelle à travers un album au style graphique inventif et novateur, utilisant toutes les possibilités de la bande dessinée pour mieux en bousculer les frontières. Et c'est très précis. Le prix de l'audace. Le prix de l'audace, donc, qui remplit toutes les conditions que tu as citées. Oh bon. Il a été décerné à La mécanique du sage de Gabriel Piquet. Mais c'est toi, ça ? Ah non, c'est pas moi. Ah, désolé, Gabriel. Alors, le prix de l'audace, alors qu'est-ce que c'est ? Gabriel Piquet de grève. Bon, alors, au lieu de faire des blagues nulles, est-ce que tu pourrais nous donner le synopsis de La mécanique du sage ? Alors, déjà, c'est une BD dont je crois que le scénario est pas forcément linéaire, en fait. Mais ça montre la vie d'un certain Charles Hamilton, qui est extrêmement riche, qui est extrêmement oisif aussi. Donc voilà, de ce que j'en vois, c'est beaucoup de l'illustration, une narration qui est assez, comment dire, non linéaire. C'est-à-dire que l'image a plus de rôle que la parole. C'est ça. Et d'ailleurs, histoire... D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'il y ait des dialogues. Enfin, si, il y en a, mais ils sont pas dans des bulles. Tu veux dire un peu comme une sorte de roman graphique, mais au sens strict du terme ? Il y a un roman avec des images ? Non, pas vraiment. Plus une sorte de conte illustré. Puis la couverture est vraiment spéciale. On voit un bébé dans un landau entouré de femmes à poil et d'un monsieur qui regarde le landau et un monsieur avec une moustache qui est amoureux. Enfin, c'est dit comme ça, c'est très étrange. Mais Ah, ça a l'air très étrange. Et aussi, pourquoi il y a un chien dans cette scène, je ne comprends pas. Mais pourquoi le landau ? Voilà, pourquoi le landau ? Pourquoi tout ça ? Peut-être car l'auteur a été audacieux sur son choix. Et le dernier prix qu'on va parler avant de faire une petite pause musicale, c'est le prix du public France Télévisions. Hein, c'est ce qu'on parlait hein, du boycott hein, sur le fait que Angoulême est peut-être trop influencé par des tierces. Donc le prix du public France Télévisions. Donc en fait, c'est 10 titres qui sont choisis dans la sélection officielle par des journalistes et spécialistes de la littérature de France Télévisions. Ils font un appel à candidature auprès de son public. Et les bandes dessinées, elles sont offertes aux gens, à quelques personnes, tu vois. Enfin, le prix qu'ils ont décerné est ensuite offert à des gens. Tu vois le concept ou pas ? Ah, je vois. Et en fait, ces gens qui ont reçu les bouquins, ensuite, ils choisissent pour le prix du public France Télévisions. Tu comprends le délire ? Je comprends. Attends, je vais quand même essayer de la faire un peu plus claire parce que je me suis un peu embrouillé. T'as France Télévisions ? Il va te voir, il te passe 5 bouquins, tu les lis, tu dis je préfère celui-là, et t'as 9 mecs qui font comme toi, et à la fin ça te donne le meilleur bouquin. Voilà. Ah bah c'était extrêmement clair. Alors le prix du public de France Télévisions, est-ce que tu l'as ? Oui. Ah je t'écoute. C'est Anaïs Nin sur la mer des mensonges de Léonie Bischoff, donc une BD biographique pour le coup. Alors je ne l'ai pas du tout, vas-y, parle-en le temps que je la retrouve. Alors bah, c'est une BD du coup biographique sur donc Anaïs Nin qui était une écrivaine américaine du 20e siècle voilà. Donc, elle était très connue pour ses journaux intimes notamment qui ont été publiés après sa mort. D'accord, donc ouais je vois en 1930. D'accord, donc les journaux intimes je trouve ça super à lire en fait. J'en ai jamais vraiment lu, mais ça doit être assez fascinant. En tout cas, j'aime bien les BD biographiques. Bah, en fait, le principe du journal intime pour les bandes dessinées, ça date pas d'hier. Par exemple, pour citer un exemple très connu, Lou, hein, la bande dessinée, se calque un peu sur le principe du journal intime. Voire même Big Nat, bon, même si c'est plus un roman qu'une bande dessinée. Mais voilà, tu suis l'aventure d'un collégien, et donc tu es comme dans son journal intime. Quelque chose qui est classique, qui marche très bien et qui est justement très intéressant car tu es le personnage d'une certaine façon. D'accord, donc la vie de l'épouse d'un banquier, la vie d'Anaïs Nin en 1930, mais qui veut être écrivain. Donc pourquoi pas, qui était le prix France Télévisions. Du coup, on va faire une petite pause musicale et puis on va parler des derniers prix, hein, il y en a encore quelques-uns. Parce qu'ils en ont décerné beaucoup, malgré tout. Plus que les années précédentes, il me semble. Et oui. Est-ce que tu as une idée de ce qu'on pourrait écouter ? Je demande à toi, parce que tu as des meilleurs goûts que moi. Et si pour une fois, c'était toi qui mettais ? Ah, si c'était moi ? Eh ben écoute... Ah, la colle ! Ah. Eh bien écoute, tu sais quoi ? Pas si facile, hein. Eh bien, on va mettre une chanson que j'avais déjà passée... Dans une des matinales de Fadjet, mais qui n'avait jamais pu être mise en entière, et j'étais un peu triste, ce sera Black Hurricane de Michael Buquet, voilà, un jeune talent corrézien que j'apprécie tout particulièrement. Et juste après, nous parlerons de la suite des Fauves d'Angoulême. Before the world in flames, so blows their fear into the morning rain. Once the sky is blacker all of the time, yourself throw into the black hurricane. Yeah, the worry is gone to the man of the stone. I can't fix you, I'm gonna cry. We'll be right back. easy to walk up afraid. And I lock my mouth to the cage of my brain. One, two, three, I call the air in my head. Myself out into the black hurricane, yeah. The warriors go into the middle of the sun. Vous êtes de retour sur Fréquence BD, votre émission de bande dessinée, toujours avec Gabriel, en plus en forme que jamais. Est-ce que ça t'a plu, cette petite pause musicale? Ça m'a beaucoup plu. Fais pas genre, t'as pas écouté, on enregistre ça juste après. Ah non, il fallait maintenir l'illusion. Ah oui, mince, ah, c'est... je savais que t'aimais bien. Bref. On est en direct. Il y a une caméra là-bas. Enfin bref, on va parler du prix... du patrimoine. On continue sur les prix du festival d'Angoulême, hein, qui s'est déroulé la semaine dernière, on rappelle. Si vous n'avez pas entendu la première partie des prix, bah écoutez le podcast de Fréquence BD, disponible sur Fadjet, sur le site de Fadjet. Et en attendant, on va continuer la remise des prix, enfin c'est pas nous qui la faisons, avec le prix du patrimoine. En fait, le prix du patrimoine, comment ça marche? Il y a 7 albums qui sont en compétition, qui ont préalablement été sélectionnés par le comité de sélection of Cizel. Enfin, le jury va récompenser une œuvre qui fait partie de l'histoire mondiale du 9e art et dont l'édition, la réédition ou l'intégrale qui propose un travail éditorial particulièrement soigné. Pour la faire courte, c'est un prix qui autorise les remakes. Voilà. Alors, le prix du patrimoine, à qui a-t-il été décerné? Il a été décerné à Lynde Ward pour L'éclaireur. Alors que je le recherche, vas-y, parle-en. C'est de la gravure. Ah oui, pour le coup. Semble-t-il. C'est... En tout cas, c'est inspiré de la gravure. Yep, Lynde Ward, donc 1905-1985, la personne, l'éclaireur, ouais. Non, ça a été inspiré par les gravures de Gustave Doré de France Masserelle. Oui. Voilà, donc c'est, en fait, c'est tout simplement un coffret de 3 volumes qui regroupe les 6 œuvres de Lynde Ward. Et mais tout simplement, c'est, on va dire, l'ancêtre, entre guillemets, de notre bande dessinée classique. Donc, bah, tu vois, j'ignorais cette catégorie est vachement intéressante, tu vois. Ouais, et puis ça a l'air aussi très singulier, du coup, là, l'éclaireur, ça donne envie de regarder, du coup. Surtout pas de lire, puisqu'il n'y a pas de parole. Mais... Oui, c'est un roman sans parole. Donc, bah, c'est du dessin, en quelque sorte. Et justement, pour en faire un parallèle avec aujourd'hui, Lewis Trondheim avait sorti un tome des nouvelles aventures de Lapino, Les Herbes Folles, où pareil, il n'y a aucun dialogue, et le bouquin, il est très très gros, il fait 100 pages, une connerie comme ça. Et ouais, oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est très intéressant à lire, c'est, ça me fait beaucoup plus réfléchir parce que, je sais pas toi, mais quand je lis une bande dessinée, bah, je lis plus les dialogues que je m'attarde sur le dessin, tu vois. En tout cas, oui, ça, on peut vraiment passer à côté de plein de choses. Ouais, et justement, ça te force à le relire, entre guillemets, mais tu le relis pas vraiment, pour bien saisir tout. En tout cas, on va continuer avec la section Fauve Polar SNCF. Alors, c'est tout simple, il a été choisi parmi 6 albums policiers ou thrillers, préalablement sélectionnés par le comité de sélection of CISEL. C'est un jury de personnalités qui attribue le prix. Personnalité de la SNCF, sans doute. En tout cas, quel a été le meilleur polar selon la SNCF? Ah, ça a été Ghost 111 de Marc Isersal, Henri Scala et Marion Mousse. Alors, c'est l'histoire d'un père de famille qui est au chômage. Et Goran Strandkovic, comme il s'appelle, se fait passer par la police alors qu'il avait accepté un job véreux. Il devient alors indic et va devoir naviguer périlleusement entre flics et bandits. Donc, l'histoire d'une taupe, hein, tout simplement. Hein. Et je sais pas pourquoi j'aime beaucoup l'histoire des vieux qui sont embrigadés dans des histoires folles, tu vois. Ah oui. Bah, en fait, tu vois, par genre. Exemple, les vieux fourneaux. Ouais, bah, les vieux fourneaux, j'ai découvert ça la semaine dernière. C'était excellent, vraiment. Les vieux fourneaux, un résumé rapide, Gabriel. Ah, c'est une bande de vieux amis depuis de nombreuses années qui sont assez anarchistes. C'est ça. C'est parfait. Bah, en fait, je trouve que l'utilisation d'un personnage vieux, donc, c'est-à-dire qui a du vécu, c'est qu'il sera forcément, tu vois, il y aura forcément un conflit entre sa conscience, sa famille et son devoir, tu vois. Mmh. Alors qu'un puis son corps, quoi. Oui, son corps également, tu vois. Alors qu'un jeune, bah, il a de l'énergie et tout ça, et puis il n'a pas forcément l'expérience de la vie. Alors que le vieux, quand il se fait coincer, je sais pas moi, dans un trafic, si un flic lui dit « Est-ce que tu veux jouer le rôle de taupe ?», le mec, il va réfléchir à deux fois, tu vois, il va faire « Ah la vache, je peux pas finir ma vie en prison, tu vois. » Donc, voilà. Ghost 111, le polar choisi par la SNCF. Voilà. Peut-être qu'on aura cet album dispo dans les gares. Alors ensuite, on retourne dans quelque chose d'un peu plus simple. Le prix Jeunesse qui décerne un album destiné aux enfants de 8 à 12 ans. Donc, qui était sélectionné par le comité Jeunesse. Alors, quel est ce bouquin? C'est Le Club des Amis de Sophie Guérive. Bon, je recherche Le Club des Amis. De quoi ça... Ah, je l'ai. Alors, de quoi ça parle? Ça parle d'un ours qui... vit des aventures avec ses amis, un serpent, une oiselle. C'est ça. En tout cas, c'est très très mignon. Oui, bah, c'est vrai, il y a un petit ours en slip et en Marcel, là, un serpent qui est content, qui ressemble à une chaussette. L'oiseau ressemble à un gant de toilette, c'est merveilleux, je trouve. C'est, ah, je critique, alors, mais... comme ça... mais en vrai, non. C'est très joli, en plus, je vois que c'est le premier tome, donc ça annonce une suite. Donc, Le Club des Amis. Écoute, j'espère, parce que moi, je suis conquis par ce graphisme. Sérieux, t'es vraiment conquis? Bah ouais, je trouve ça très beau. Ça me fait un peu penser, tu sais, aux vieilles gravures japonaises, un peu style de dessin, tu vois. C'est pas faux, ouais. Mais en tout cas, c'est très ligne claire, du coup. Tu vois, voilà, Le Club des Amis, c'est intéressant. Bah... Ça a l'air rafraîchissant, quoi. Ouais, puis un peu, tu sais, sur le principe des fables de La Fontaine, l'utilisation des animaux pour parler d'un voyage initiatique ou des problèmes, tu vois. Ah oui, tout à fait. Enfin, pourquoi pas, Le Club des Amis. Mais bon, quand on a plus 8-12 ans et qu'on veut lire quelque chose d'un peu plus, bah, tu sais, de notre âge, pourquoi pas parler de la section jeune adulte? Cette fois-ci, c'est 8 albums qui sont destinés aux adolescents de 13 ans et plus. Et parmi ces 8 albums, il y en a un qui a été sélectionné par le comité jeunesse également. Et là, pour le coup, je vais pouvoir en parler. Hein. Le prix de jeune adulte a été décerné à Podum. Si je ne me trompe pas. Hein. Oui, alors moi j'ai prix des lycéens, plus précisément. Oui, prix des lycéens, c'est vrai. Mais bon, le nom change, mais on a compris. Hein. Podum, T'as dit que tu l'avais un petit peu lu, mais... Je l'ai parcouru, on va dire, ou lu en diagonale. Alors, Podum, là, pour le coup, je peux en parler, je vais en dire du bien, parce que je l'ai lu. On en avait parlé, souviens-toi, c'était l'an dernier, je crois, à l'émission de mars. On était confinés. Et en fait, Podum, c'est... Alors, c'est la relecture du conte de Podan. Donc, Podan, alors tu vas me corriger, hein, parce que je ne l'ai pas lu beaucoup, Podan. C'est une fille qui va se faire marier par son père de force, elle ne veut pas, donc elle se met une Podan pour s'enfuir. C'est même son père qui veut se marier avec elle. Oui, c'est son père, oui, bien sûr qu'elle ne veut pas. Mais voilà, c'est l'histoire de base. Et bien en fait, Podum, bah vous reprenez Podan, sauf que vous remplacez le mariage avec le père avec mariage d'un mec dont on s'en fout, d'une famille dont on s'en fout, et vous remplacez la peau d'âne par une peau d'homme. Et donc en fait, dans cette histoire, l'héroïne va obtenir de la part de sa marraine une peau d'homme, et une fois vêtue de cette peau, bah elle va apparaître tout simplement comme un homme. En fait, elle va changer d'identité, elle va changer de genre, et elle va pouvoir en fait espionner le monde des hommes, espionner son mari, hein, enfin l'homme qui sera son futur mari. Et en fait, elle va découvrir comment les hommes se comportent entre eux, l'amitié, hein, qui relie les hommes, parce que au final, on découvre que les hommes préfèrent plus être avec des hommes, surtout dans ce bouquin. Donc vraiment, c'est très intéressant parce que ça nous interroge. Qu'est-ce que le genre, hein, tout simplement, parce qu'il y a des personnages, voilà, qui ont des problèmes, qui préfèrent un homme alors qu'ils sont eux-mêmes hommes, alors ils se posent des questions et tout ça, ou alors le fait que l'héroïne est souvent amenée à changer de genre, donc c'est plein de questions qui sont posées. De plus, c'est un bouquin qui est défoulant, parce que c'est en fait un cri de colère d'une génération, d'une jeunesse, qui veut juste vivre comme elle l'entend, et de ne pas se faire emmerder par les adultes. Voilà. Alors ? Ah oui, écoute, toi, je sais que tu es conquis tout à fait par cette BD. Ah oui, mais je suis vachement conquis. Je suis vachement content qu'il ait reçu un prix, parce que vraiment, c'est... C'est profond, quoi. Non, mais c'est quelque chose. Alors, il me reste plus que quelques prix. La bande dessinée alternative... qui décerne la meilleure publication non professionnelle et provenant de toute origine géographique. Or, quelle est la meilleure bande dessinée alternative cette année-là ? Alors, meilleure bande dessinée alternative, c'est... C'est... Cutie, ouais. Thick Book of Cutie. C'est un peu dur à prononcer. C'est de Finlande. Voilà. Ouais. Alors, pour le coup, la couverture est psychédélique. C'est... Oui. C'est... Très coloré, très abstrait. Ouais, c'est... On ne sait même pas du dessin. On dirait que c'est des sortes de papiers qui ont été découpés, tu vois. Mmh. Enfin, il n'y a aucune description pour ce bouquin, en plus. C'est... non, je suis en train de chercher, là. Non, si le... C'est Cutie, The Thief Book of Cutie. C'est mystérieux. C'est... Si c'est aussi explosif que sa couverture, ça ne peut être que du bien. Hein. Donc, prix de la BD alternative. Et d'ailleurs, je me rattrape. Hein. Au fait, Podum, c'était le prix des lycéens. Le prix de jeunesse était Middle West, le premier tome de Scotty Young et George Corona. Ça ne s'invente pas. Qui raconte l'histoire de Abel, qui vit seul avec un père violent, et un jour, son père se transforme en monstre et manque de le tuer. Abel va fuir, et c'est le début d'un périple qui va le changer de tout au tout. Donc, voilà, je me suis rattrapé sur le prix de jeunesse Middle West. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour, hein. Eh oui. Ah non, il y en a encore un, le prix Goscinny du scénario. Est-ce que tu l'as ? Ah. Non. Alors, le prix Goscinny du scénario, c'est Blackout de Louis Yu Fang avec Hugh Mikol. Voilà. Donc, ça raconte l'histoire de Maximus Wide, l'acteur aux mille visages des années 1950. Donc c'est un acteur métis de descendance noire, chinoise et amérindienne. Et il a interprété plein de rôles ethniques, genre chef indien, mexicain et tout ça. Et en fait, on va découvrir la dimension politique des productions hollywoodiennes. Donc pour les fans de cinéma, et je pense en particulier à Kevin de la matinale du jeudi, Blackout, alors voilà, si on est fan du cinéma américain, pourquoi pas Blackout, tout simplement. Et puis là, on a réellement... Ça a l'air très intéressant. On a vraiment fait le tour. BD documentaire, du coup. Oui, c'est beaucoup de BD documentaires. Bah, cette année, si on en fait un résumé là, en regardant les prix du festival, c'est beaucoup de dystopie, c'est beaucoup d'affirmation de soi, de questionnement sur soi. Et au final, on pourrait même dire que ça représente en fait notre année 2020. Vu qu'on a été obligé d'être confiné à la maison, c'est poser des questions sur qui on était, sur nous-mêmes. On a eu peur, donc ce qui explique toutes ces dystopies, tous ces polars. Et puis, finalement, le bouquin finlandais, là, Kuti, qui est explosif, représente également notre désinvolture, mais notre ras-le-bol général. Donc, une sélection. Tu vois, une sélection qui représente très très bien notre année, je trouve. Qui est éclectique, tout à fait. C'est ça. Est-ce que toi, il y a des bouquins qui t'ont intéressé ? Bah écoute, récemment, j'ai lu le tome 5 de l'Arabe du futur. Ah non, ça tout. Mais on en parlera juste après, une petite page musicale. Très bien. Mais ouais, l'Arabe du futur, pour le coup, un peu dommage qu'il ne soit jamais dans le festival d'Angoulême. Mais bon, c'est pas grave. Tant pis, mais on en parlera juste après. Pour le coup, dans les bandes dessinées du Festival Angoulême, moi, ce qui m'attire le plus, c'est évidemment la mécanique du sage, pour le coup. C'est, je sais pas, ça m'intrigue. Rappelle un mécanique du sage, le prix de l'audace. Voilà, je sais pas toi qui est-ce qui t'inspire, mais... Je pense que c'est idem. Tu vois, c'est le plus mystérieux qui nous attire. Après... Ouais, c'est ça, le plus audacieux, quoi. C'est son prix. Enfin, on va écouter tout de suite une petite chanson. Qu'est-ce que tu veux nous faire écouter ? Ah, tu recommences. Ah bah attends, tu m'as fait le coup tout à l'heure, c'est à toi maintenant. On peut écouter, je sais pas moi, du Georges Brassens. On va écouter du Georges Brassens. Et ça n'a aucun sens. Tu sais que là, on a fait du Michel Fugain... ensuite, on a fait du rock, et là, tu nous proposes du Georges Brassens. C'est incroyable, vraiment. Il se passe des choses dans cette émission. Donc, tout de suite, du Georges Brassens. Proclamation éclectique aussi. Ah bah, tu vois, on est comme à Angoulême. On se retrouve tout de suite. Comme Cutty. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi. Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots. Ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire ? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. J'espère que Georges Brassens vous a plu. C'était La Mauvaise Réputation, si tout s'est bien passé. Vous êtes bien sur Fréquence BD, votre émission de bande dessinée, tous les premiers vendredis du mois sur Fadjet. Alors, on vous a fait avec Gabriel un compte rendu des différents prix qui ont été décernés au Festival d'Angoulême la semaine dernière. Et pour le coup, vachement intéressant, une sélection, comme tu le disais, éclectique. Ah oui, tout à fait. Oui, excusez-nous, il y a eu un petit problème de connexion, si jamais ça fait bizarre au montage. Enfin, on voulait donc parler tous les deux du dernier tome de L'Arabe du Futur de Riyad Satouf. Oui. Donc je te laisse amorcer, vu que c'est toi qui as proposé. Bah, L'Arabe du Futur, ça fait maintenant plusieurs années que Riyad Satouf sort régulièrement donc son autobiographie en BD. Donc voilà, lui, le métis syrien et breton. Qui est un mélange original. Avec une famille quand même extrêmement originale aussi, oui. Et ce dernier tome, on peut dire qu'il est assez sombre, j'ai trouvé. Alors, pour rappeler à ceux qui n'ont pas lu L'Arabe du Futur, déjà, allez le lire, parce que c'est très intéressant, outre le fait que ce soit l'auteur qui raconte sa vie, ça nous apprend plein de choses sur le contexte politique de la Syrie, donc rien que pour ça, c'est intéressant. Ouais, c'est ça. Et en fait, pour vous la faire courte... au début, on voit sa jeunesse justement en Syrie avec son père, sa mère et ses deux frères. Et puis petit à petit, la relation entre ses parents va se dégrader jusqu'à. Là, je spoil complètement. Jusqu'à. Non, je vais pas le dire pour le coup, mais jusqu'à un événement en fait qui va chambouler en fait la vie de famille. Et justement, le tome 4 qui nous avait laissé sur un cliffhanger incroyable. Rappelle-toi, hein. Là, le tome 5 apporte enfin plus de précision sur ce qu'est devenu le père, qui avait disparu depuis un bon moment, et aussi les premiers émois de Riyad Satouf au collège, et pas encore au lycée, il me semble, quand il découvre le sept s'opposer, la musique. Exact. Donc... Ouais, qui est lourd, hein, sombre, comme tu disais. Le plus gros tome, hein, d'ailleurs, il est énorme. Il y a combien de pages? Ah, il est très gros, je sais pas. Attends, mais je l'ai à côté de moi. Je vais le chercher. Waouh. Tu peux parler, c'est je le cherche. C'est bien fait, ici. Attends. Non, bah, je pense que ce qu'on peut dire sur L'Arabe du Futur, c'est quand même que les premiers tomes étaient déjà très sérieux. Et voilà, ça se passait quand même sous la Libye de Kadhafi et la Syrie, donc, de... Hafez al-Assad, le père de Bachar al-Assad, mais c'était quand même raconté avec une sorte de vision d'enfant, quoi. Riyad Satouf, il racontait les choses telles qu'il les percevait à l'époque. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à aucun moment il donne un commentaire de lui adulte, il explique vraiment comment il le voit au moment. Donc, c'est ça. Bon, évidemment, il y a toujours une part de toi adulte, mais... Alors, j'ai le tome hein, sous la main, il fait 176 pages, voilà. Par rapport aux autres, il prend plus de place quand même. Un petit peu, ouais. Il fait 16 pages de plus. Mais vraiment, c'est une série, je sais pas depuis combien de temps elle existe. Mais... Ça fait depuis 2014. À 2014 ? Et vraiment, c'est de base, hein, Riyad Satouf, il a fait énormément de bandes dessinées qui parlent de la jeunesse en général. Et là, que ce soit une où il parle de la sienne. On disait que, voilà, à l'époque, enfin, en tout cas, ce qu'il raconte dans ses BD, c'est avec le point de vue de l'âge qu'il a, au moment où il vit les événements. Et là, du coup, ce tome 5, pour moi, je l'ai vraiment vu comme le tome de la désillusion, quoi. Oui, c'est... La lucidité, on va dire. Et surtout que là, pour une fois, le personnage de Riyad devient plus actif que les tomes précédents où il était ouais. juste spectateur. Là, il prend plus la parole. Donc, c'est pour ça que l'histoire prend un tout autre sens. On se sent d'autant plus impliqué qu'on est moins spectateur. Ouais. Donc, tout à fait. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, au final, bah, l'Arabe du futur, ce sera un peu le prix fréquence BD, tu vois. Ouais, bah carrément. Je suis pour. Non, mais moi, je suis pour aussi, de toute façon. Hein. Ça plaît à tout le monde, tu vois. Je discutais il y a pas très longtemps avec quelqu'un de ma famille qui ne lit jamais de bande dessinée. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Ouais, j'ai acheté l'Arabe du futur, c'était bien. Donc, tu vois, tu vois, c'est fou que ça attire ah, oui. comme ça. Ça veut dire que tout le monde peut le lire. Et en plus, c'est un peu pour tous les âges. C'est très accessible en même temps, c'est hyper riche. C'est ça. Enfin bref, il y a du bon à le lire de toute façon. Bien sûr. Et bien, je crois qu'on a tout dit sur l'Arabe du futur, le dernier tome qui est sorti l'année dernière. C'est fait bizarre de dire ça. Donc en, 2000, eh oui. en 2020. Et ça va être l'heure de nous dire au revoir. Très bien. J'aime bien comment tu le prends. C'est dire, ça ne me dérange pas. Non, c'est pour cacher mon désarroi. C'est ça, t'as le masque de bonne humeur devant toi, mais derrière tu pleures, c'est ça. C'est... Ouais, exactement. Non, mais on va se retrouver en mars. Si je regarde mon calendrier, ça sera le 5 mars. Voilà. En tout cas, ce fut un plaisir. Bah, ce fut aussi un plaisir de t'écouter. Hein, tout simplement, j'espère que la prochaine fois, on reverra Marie et Jérémy. Jérémy qui est porté disparu presque. C'est triste. Mais il va bien, rassurez-vous, il va bien. C'est juste qu'il est occupé. C'est vrai que dit comme ça, on dirait qu'il est mort, mais non, il va bien. et j'espère enfin que j'aurai mon invité. Ça fait 3 mois que je le tease, cet invité, pour le mois de mars. Mais bon, vous savez, c'est compliqué, surtout en ce moment. Et ils ont une excuse toute faite hein, pour pas m'envoyer des gens. Enfin bref, on se retrouve le mois prochain sur Fréquence BD. On ne sait pas encore de quoi on vous parlera parce que l'actualité change tellement souvent que c'est difficile de se prévoir. Et puis c'est moi qui vais choisir la musique de départ. Et je pense que nous partirons, et tu vas peut-être nous confirmer, avec, hein, vu qu'on a fait alternance, calme, agité, calme, je vais proposer Les Démons de Minuit. Oh là là, c'est la meilleure émission en termes de musique qu'on ait fait jusqu'à là. Voilà, c'est l'émission avec la plus grande playlist de France, au moins. Et donc, ambiancez-vous bien sur Les Démons de Minuit, pas trop si vous êtes sur la route, sinon vous allez faire une sortie de route, justement. Et puis à la prochaine, sur Fréquence BD, salut à tous. Salut.